J'allais causer avec elle, je lui adressais la parole en italien au grand ébahissement des bourgeois de Guingamp. Sa voix est douce et pénétrante. Elle est bergamasque, se nomme Mariette et a 14 ans. Son père est de Venise, sa mère de Milan, son frère de Padoue, ses sœurs de Sienne, de Montefiascone, de Ferrare. Il y a 3 ans qu'ils ont quitté le pays. Depuis ce temps, ils marchent. Quand la ville où ils passent leur convient, ils s'arrêtent, demandent aux autorités la permission d'exercer leur talent, et alors qu'ils l'ont obtenu, ils dressent la grande tente. Ils revêtent les maillots couleur chair et les jupes de velours de coton, ils allument les toupes des lampes, ils battent la grosse caisse, annoncent que la représentation va bientôt commencer, font la parade, toujours la même sans doute, et quand le soir la foule s'est écoulée, on rabat les portes de toile. On compte la recette, on soupe avec un morceau de pain et du petit salé, on dort tout habillé sur le tapis où tout à l'heure on a marché sur les mains et porté des pyramides humaines, et le lendemain, au petit jour, on plie la maison errante, on charge le bagage sur la charrette. L'homme a mis sa blouse, les femmes sont enveloppées de robes en cotonnade et de tartans à grands carreaux, les enfants dorment dans un coin sur la paille, la mère allait le dernier qui crie parce qu'il a froid, le chien hérissé de son collier de clous jappe autour des roues, le paillasse fume tristement assis sur un brancard, le patron jette un demi-coup d'œil pour voir si rien n'est perdu, puis il fouette le petit cheval qui la veille comptait l'heure sur un tambour et qui maintenant traîne la famille entière. Coco, et les voilà partis. La parade finissait. Nous entrâmes, une 20aine de spectateurs étaient assis sur des bancs de bois. Mariette dansa sur la corde, elle maniait légèrement un lourd balancier, son pied se crispait pour saisir les aspérités, elle sautait en mesure au bruit de la musique paternelle. Parfois, elle se laissait tomber assise sur la corde dont le rebondissement la relançait debout, immobile, sur les pieds. Alors, on applaudissait, et la charmante fille saluait en souriant. Après elle, vint son père, il porta des poids avec ses dents, et fit des moulinets avec son plus jeune fils. Mariette revint, elle dansa une cachucha, ses doigts effilés battaient les castagnettes, sa taille se courbait comme un peuplier fouetté par le vent, et sa tête avait des mouvements pleins de voluptueuses attractions. Elle se renversait en arrière, fléchissait les genoux, et alors on pouvait voir les soulèvements de sa poitrine à peine formée. Auprès d'elle, on sentait un âcre et pénétrant parfum. Quand elle eut fini, elle prit de gros ciseaux et alla couper les mèches charbonneuses des lampions. Enfin, après plusieurs tours de force, on joua une façon de pantomime insignifiante. Mariette reparut habillée en homme. Elle n'était plus si belle, si ardemment magnétique, et cependant, lorsqu'elle marchait dans son pantalon de velours noir, elle avait dans les reins de puissantes ondulations. Nous sortîmes. La foule dégorgeait du cirque dont la représentation finissait. Oh, la triste chose! L'écuyer a détrôné le saltimbanque. Le clown a tué la danseuse de corde. Elles sont parties pour ne plus revenir, ces bandes bariolées de jongleurs et de bohémiens que nous avons tant aimés quand nous étions petits et qu'à cette heure nous regrettons si amèrement. Que sont devenus ces basques qui marchaient dans nos rues sur de hautes échasses au son d'un fifre et d'un tambourin? Où sont ces jongleurs indiens, aux bras chargés d'anneaux, à la chevelure attachée d'un ruban d'or, qui faisaient sauter dans leurs mains invisibles les larges poignards et les boules de cuivre, et la femme sauvage qui mangeait des poulets crus et enlevait à la force des mâchoires monsieur le militaire, assis sur une chaise, et la reine de Golconde, toute resplendissante d'oripeaux, toute brillante de clinquants, qui donnait de si bons soufflets à Jeannot, à Saint-Antoine, suivi de ses légions de diables et de femmes tentatrices, ce pauvre saint à qui l'on voulait percer le flanc et dont le compagnon fidèle avait de si beaux pétards au derrière. Perdu, perdu pour toujours. Le cirque et les athlètes ont tout emporté. On va voir des chevaux courir au cercle sous le fouet, au son des trombones, et des hommes qui portent sur le dos des poids monstrueux. Mais le saltimbanque, le vrai saltimbanque, nul ne s'en inquiète. Il s'en va chaque jour davantage, bientôt il sera mort et ce ne sera plus qu'un souvenir. Quoi qu'il en soit, nous rentrâmes à l'hôtel où nous nous couchâmes pleins d'amertume, et je prie Dieu de ne pas faire peser sur la conscience de Mariette le péché que je commis avant de m'endormir. Le lendemain, quand nous partîmes, la place était vide. La tente muette et fermée, je regardais partout, espérant l'apercevoir encore, mais je ne la vis pas. Et quelques heures après, nous étions à Saint-Brieuc. Saint-Brieuc, chef-lieu de préfecture, est à 25 myriamètres de Paris. Sa bibliothèque possède 24 000 volumes et son hôtel de ville, d'un goût moderne, renferme les archives départementales. C'est tout ce que je sais sur Saint-Brieuc, et encore je viens de le copier dans « La France pittoresque ». Cependant, dans l'église, qui est assez laide, quoique du XIIIe siècle, nous avons vu coucher derrière des grilles et briser en plusieurs endroits la statue de je ne sais quel saint Guillaume, très vénéré dans le pays. Son visage que le temps a rendu camard ferme les yeux et sourit imperceptiblement. Sur ses cheveux tonsurés s'élève un haut bonnet d'évêque chargé de perles, de losanges, de rosaces et semblable au mitre hindou. Un ange, dont les pieds ont disparu, soutient ses pieds chaussés de sandales et sa main, bossuée de grosses bagues taillées en pleine pierre, porte le bâton pastoral. Une bonne femme priait, agenouillée devant lui, en égrenant un chapelet dans ses doigts. Depuis une heure à peine, nous étions à Saint-Brieuc, que déjà nous en étions là. Nous savions par fortune que la mer n'était pas loin, et nous partîmes pour aller la voir. La route que nous suivions était un chemin de petite vicinalité, comme on dit en français administratif. Elle franchit un pont, grimpe une colline, côtoie des champs, traverse un village, et s'en va mourir sur la falaise. Le ciel était bleu, la mer calme et la grève blonde comme du miel. À l'extrémité du promontoire dominant l'abîme et découvrant l'horizon se dresse une tour en ruine. Elle est coupée par la moitié. Ses murs épais de 15 pieds sont percés de fenêtres plein cintre au pied desquelles s'allongent des bancs de pierre. Des fragments de degrés réunis sortent de la muraille. On suit jusqu'au sommet la trace des cheminées détruites. De gros clous, où jadis on suspendait les armures, sont fichés entre les assises, et leurs fers rongés par la rouille se lèvent par écailles qui se pulvérisent sous le doigt. Par terre, des blocs de maçonnerie gisent dans les herbes. En haut, des hirondelles volent en criant autour de ce vieux débris que les vents du nord n'ont pas encore pu jeter bas. Si vous demandez aux paysans d'où vient cette tour, ils vous diront qu'elle a été bâtie par César. Si vous interrogez l'histoire, elle vous répondra que Jean IV l'a construite en 1395 et que le maréchal de Brissac l'a fait démanteler en 1598. J'ignore ce qu'il en est, mais je sais qu'elle a des teintes rousses et grises qui valent mieux que toutes les conjectures historiques. Nous y descendîmes vers le rivage par un sentier déroulé au flanc de la falaise. Nous glissions à pic sur une herbe luisante et menue. Quelque temps après la mort du Christ, la Vierge gravissait cette même côte où nous manquions de tomber à chaque pas. La sueur perlait sur son divin visage, la fatigue brisait ses membres, son bâton blanc se rompit sous sa main. Elle s'arrêta alors et se tournant vers saint Symphorien qui l'accompagnait, « Nous avons assez monté, dit-elle. Cessons. » Aussi la bourgade qui est accroupie au pied de la montagne se nomme-t-elle Cessons. Nous y passâmes après avoir traversé la petite rivière de Gouette qui balance sur son courant quelques barques de pêcheurs. À la porte des maisons, à côté du tas de fumier que picorent les poules, s'élèvent des monceaux de godfish autour desquels bourdonnent des mouches dorées par le soleil. La côte fait un coude et nous sommes sur la plage. Des champs d'orge descendent jusqu'au sable, mais les épis sont maigres, clairsemés et brûlés par la dévorante haleine de Tétis, la rude mer des vertes océanides. Le vent chassait devant nous des brins de varech desséchés, traînés par trois rosses haletantes. Un lourd chariot criait dans les sables, le jusant faisait reculer la mer, et quelques jeunes femmes, se baignant derrière un rocher, riaient et sautaient dans les vagues. Nous sommes demeurés là longtemps, en faisant dans la grève des trous avec nos bâtons. Puis nous sommes remontés vers la terre. Nous avons pris un étroit chemin bordé de haies. Nous sommes arrivés au cimetière de Plérin. La barrière en était ouverte. Nous sommes entrés. Un homme en chapeau de paille, pieds nus et sans veste, aiguisait une faux dont il coupait l'herbe grasse qui croît sur les morts. Il nous regardait pendant que sa main agitait rapidement la pierre qui grinçait sur l'acier et que nous examinions un large tombeau de marbre blanc sur lequel dort les mains jointes et couché dans une armure un guerrier de la fin du XVIe siècle. Ses pieds s'appuient sur un chien brisé, un coussin soutient sa tête, ses cheveux longs et bouclés sont courts, frisés, fleuronnés sur le front et posés comme une couronne de roses. Il est là, blanchi par le soleil, lavé par la pluie, et plus heureux 100 fois que ceux que nous vîmes le lendemain à Notre-Dame de Lamballe. Ceux-là sont humides, moisis, à peine garantis par une grille insuffisante et presque cachés par un enfoncement de la muraille. Ils sont à la hauteur du jarret et on s'assied irrévérencieusement dessus pour entendre la messe. Quels sont-ils? Nul n'a pu nous le dire. Sans doute un comte et une comtesse de Penthièvre, le costume indique positivement la seconde moitié du XIIIe siècle. Il n'y a pas de statue comme à Plérin, mais une simple effigie dégrossie au ciseau et ne dépassant pas la hauteur du bourrelet de pierre qui sert de cadre à la lame sépulcrale. Le chevalier est vêtu d'une cotte de mailles, serrée au flanc par le ceinturon d'une longue épée dont la garde touche un coude et dont le fourreau passe sous les deux cuisses pour aller s'appuyer à l'éperon du pied droit. Les jambes, enfermées dans des cuissards et des jambières, sont écartées et légèrement fléchies aux genoux. Les pieds, très rejetés en dehors, reposent sur un animal ruiné et devenu méconnaissable. L'écu pend au côté droit. Le cou est nu et les cheveux se répandent sur les épaules. Celle qui est étendue sur l'autre tombe fut probablement autrefois une grande dame qu'on encensait à certains jours devant l'autel et qui, parmi les roseaux des marais, assise sur une blanche aquenée, lançait son gerfaut entre les hérons à pattes pendantes. Une longue robe étroite et collante la revêt tout entière, sa taille est courte, serrée, rebondissante aux hanches et ceinte d'un mince cordon qui rattache une aumônière. Ses seins haut placés sont à peine indiqués. Son cou allongé supporte une fine tête enveloppée d'une coiffure carrée, fermée de rubans entrelacés. Son manteau s'agrafe à la poitrine et demeure ouvert jusqu'aux genoux. Là, il rejoint ses deux bords et cache les pieds de ses plis raides et droits. De ses longues manches tombantes sortent des mains croisées comme pour la prière. Le temps a tellement usé les dalles que les traits du visage sont insaisissables. Seulement on distingue qu'ils devaient être jeunes, tous les deux. L'église Notre-Dame, où sont enfouis ces deux tombeaux, est l'ancienne chapelle du château de Lamballe, qui fut détruite en 1626 par ordre de Richelieu, pour punir la rébellion du seigneur de Penthièvre, dont le comté avait été érigé en duché pairie en 1569. Quoique assez étrangement composé de différentes parties du Xe, XIe et XVIe siècle, cette église, à cette heure bien délabrée, serait encore belle si on ne l'avait rendue ridicule. Les arcs des ogives et des chapiteaux sont outragement déshonorés par un badigeon gris de fer très foncé, tandis que les murailles sont jaune tendre et que la voûte en bois qui couvre la nef est barbouillée d'un bleu de ciel criard et fané. Il est difficile de se rendre compte de l'impression irritante que produit la vue de cette monstrueuse mise en couleur qui cache des détails précieux. On peut cependant apercevoir encore quelques beaux fouillis de vignes et de chardons, quelques bons hommes naïfs et chaudement vêtus, et au-dessous du chœur une charmante balustrade qui protège le triforium. Du haut de la colline qui couronne la chapelle, nous vîmes de grands horizons bleuissants, de jolis bois pommelés, groupés dans les plaines et les tortueuses promenades d'une rivière encombrée sous des saules. La ville grouillait à nos pieds, c'était un jour de marché, la rumeur arrivait jusqu'à nous. Nous aperçûmes, vers une des pentes, un grand bâtiment blanc, régulier et couvert en tuiles. C'était le dépôt d'étalons. Lorsque nous y entrâmes, la cour était pleine de paysans et de palefreniers en gilets rouges. Le comptable donnait ses ordres et de paisibles juments crottées jusqu'au ventre étaient attachées à des pieux. On alla chercher le bout en train, il vint flairer chaque jument, l'une après l'autre, et après qu'il les eut ainsi essayées et qu'il eut reconnu celle qui ne se refuserait pas aux caresses, on lui permit de sacrifier à Vénus Hippophile. À mesure qu'une poulinière était présentée, l'agent comptable disait un nom, Hercule Diomède, Fortunato, ou tout autre, et un jockey amenait l'étalon désigné. Il arrivait, avec ses belles formes de cheval entier, que la peur humaine n'a pas déshonoré. À grands coups de sa queue vigoureuse, il chassait l'étan qui piquait son poil éclatant. Il hennissait en sentant la femelle et parfois, étendant ses deux jambes de devant, allongeant le cou et reniflant avec force, il frisait ses naseaux et montrait à nu ses gencives roses. Il cambrait son encolure, caracolait et semblait danser pour tâcher de s'embellir. Puis, enfin, il s'enlevait sur les deux jambes de derrière, se cabrait de toute sa hauteur, droit, debout, magnifique de puissance et d'amour. Il saisissait la jument par les reins, par les plats côtés de ses sabots, doucement, avec de charmantes précautions, courbait son cou, inclinait la tête, et l'on voyait son œil se tourner et mourir. Un d'eux poussa une sorte de vagissement plaintif, et une écume jaunâtre mouilla ses lèvres. Quelquefois la jument recule lentement sous l'invasion du mâle, comme pour le sentir pénétrer plus profondément en elle, mais souvent elle est immobile et d'une passivité complète. Plus elle est en chaleur, nous disait un vieux palefrenier, moins elle bouge. La pauvre bête y va de tout cœur, elle ne prévoit pas les douleurs de l'enfantement, elle est moins habile que la femme. Na mulier prohibet secundcipere, atque repugnat, clunibus ipsa viri venerem silata retractet, et hicit enim fulci recta regione iuace, iomerem atque locis advertit seminis ictum. Pendant que nous étions à regarder la mélancolie de ces superbes embrassements, il sortit un grand fracas de l'écurie. On entendait les cris des domestiques, les hennissements forcenés et le bruit des chevaux qui battaient leurs mangeoires à coups de pied. Ces braves étalons humaient l'odeur de leurs femelles, ils en bramaient de douleur et d'envie. Le fouet apaisa le désordre, tant bien que mal, et nous partîmes, rêvant des pays inconnus où nous verrions de monstrueux accouplements. Après l'emballe, ces jugons dont on disait jadis qui à Bretagne, sans jugons, achappe sans chaperon, et qui maintenant est une bourgade éparpillée à côté d'un étang. Il reste quelques débris de sa forteresse que Jean V a détruite en 1420. Ils servent de caserne à une brigade de gendarmerie. La route, après avoir poudroyé dans des paysages incolores, monte lentement vers une ville ramassée sur une colline surmontée de clochers pointus, précédée de bruyants faubourgs et ceinte de remparts. C'est Dinan. Nous lui reprocherons d'avoir abusé de Duguesclin comme Carré a abusé de la tour d'Auvergne, comme la province, dans son étroit orgueil de famille, a toujours abusé du grand homme local. Il n'y a pas de gloire qui tienne à de semblables exhibitions, et on peut dire de chacun de nos pauvres héros ce qu'on a écrit à Paris sur les fontaines publiques, quanta se fundis in usus. Sur la grande place, le même où se tint le chant clos de Thomas Canterbury et de Duguesclin, on a élevé sa statue. Les chroniques disent que ce rude chef de bande, dont l'âme était forte, nourrie dans la foi et pétrie sous les palmes, avait la nature ramassée, le visage brun, le nez camus, les yeux verts, les épaules carrées et les mains larges. Il était fort laid. J'aime à le croire, mais jamais, je vous jure, il n'a été aussi laid que sa statue. Au bout de cette place plantée de tilleuls, une petite rue serpente entre des maisons badigeonnées d'un bon vieux jaune épais et va se dégorger devant l'église de Saint-Sauveur. Là, il faut rester longtemps. Le portail est d'une magnificence surprenante, c'est plus que du roman, c'est du mérovingien. En le voyant, on pense volontiers à ces rois vêtus de robes blanches, portant longues chevelures et barbes fleuries que traînait un chariot retentissant. La pierre grise, usée, blanche de vieillesse, est d'un ton calme et uni qui donne plus de grandeur encore aux arcs plein cintres et aux chapiteaux trapus. Malheureusement, on a coiffé tout cela d'un grand pinacle de maçonnerie percé d'une fenêtre ogivale, ce qui n'est ni harmonique ni de bel effet. Au milieu s'ouvre une large porte sous une archivolte composée d'un enroulement de saints et de saintes largement drapés. De chaque côté s'arrondit en saillie une arcade aveugle soutenue de colonnes tordues et qui soutient deux statues mutilées, méconnaissables, épatées, brisées. Auprès de l'une d'elles, on distingue une épée droite, la pointe en l'air. Leurs bras ne sont que des moignons et leurs têtes sans visage s'abritent sous des débris de mitre suspendus au-dessus de leur front. Leurs pieds s'appuient sur de grands animaux, des lions, des chiens et des dragons, sans doute. Quels ont été ces personnages? Des rois, des saints, des évêques, des apôtres? Rien ne peut plus le faire comprendre. Au-dessus de la porte s'avance une tête hérissée, barbue et de tournure barbare. Dans les pendentifs des arcs ressortent les emblèmes des évangélistes, debout sur le livre sacré. Et disons ici en passant que chacun des attributs des historiens du Christ est emprunté au chérubin des Hébreux, être symbolique, terrible, préposé à la garde des lieux infranchissables et divins, composés à parties égales du taureau, de l'homme, de l'aigle et du lion. Mais là, comme dans toutes les églises de l'ère de transition, c'est au chapiteau qu'il faut aller chercher la fantaisie, la pensée de l'artiste. Quelques-uns n'ont que de simples agencements de serpents et de monstres, d'autres sont chargés de sujets. Là, c'est une cigogne, huchée sur le bout de ses ergots et enfonçant son long bec pointu dans un vase profond. Ailleurs, c'est une femme que tourmente un diable, une couleuvre entortillée à ses jambes lui mord les pieds. Un crapaud ronge son ventre. Elle renverse la tête et grimace de douleur. C'est sans doute quelque hérésie éclose à cette époque et contre laquelle fulminait le Saint-Père, ce vieillard à barbe blanche, enfermé dans une boîte dont parfois il soulève le couvercle pour demander si la fin du monde approche, ainsi que croient les enfants musulmans. Sur un troisième, enfin, un homme âgé au crâne chauve, aux membres desséchés mais vigoureux, portant sur l'épaule son bâton, d'où pend une cruche, est à demi incliné sur les genoux et paraît consulter attentivement un animal fantastique, un sphinx, une chimère, dont les mamelles flétries retombent jusque sur ses pattes. Est-ce simplement l'histoire d'Édipe, ou ne serait-ce pas plutôt l'éternel symbole de la foi, arrêté dans son chemin par les mille formes du doute? Parmi les chapiteaux de l'église intérieure, nous remarquâmes seulement celui qui couronne un pilier à moitié disparu sous les boiseries du buffet d'orgue. Il représente deux dromadaires debout et le cou tendu. C'est le seul de ce genre que j'ai jamais rencontré. Pour en finir tout d'un coup avec les sculptures, je dirais que nous avons trouvé, accroché au mur d'une chapelle latérale, un délicieux tableau en pierre qui rappelle par ses détails et son époque la chaire de Saint-Hubert de la chapelle d'Amboise. Un homme vêtu d'une gaune à plis pressés, serré dans une large ceinture judaïque à plaques d'orfèvrerie, chevelu, barbu, solide, marche au milieu des flots, pieds nus et mains jointes. À ses côtés, des enfants bouclés de longs cheveux sont emportés, sauvés peut-être par des lions ou des chiens à tête formidable, montrant gueule ouverte et dents pointues. Sur les rochers qui bordent la mer se champignonnent de petits arbres bibliques au-dessus desquels planent des nuages amoncelés, d'où sortent trois doigts réunis comme pour une bénédiction. L'église à nef est bas-côtée. Un seul bas-côté est roman. Le reste est d'une belle ogive en lancette pure et nettement tranchée. Le chœur, autour duquel se déroulent les galeries trilobées d'un gynécée, s'incline légèrement à gauche avec sa couronne de chapelle. C'est la tête du Christ sous le diadème d'épines, retombant mourante sur l'épaule. Dans le côté gauche du transept s'élève le mausolée qui garde le cœur de Bertrand du Guesclin et celui de Tiphaine Raguenel, sa première femme. La pierre est un granit noir qui porte une inscription en lettres dorées et ainsi conçue. Si, J, le, cœur, de, messire, Bertrand, Gugaquin, en, son, vivant, condestable, de France, qui, trépassa, le, 13 jours, de, juillet, l'an, 1380, dont, son, corps, repose, avec, ceux, des, roi, à Saint-Denis, en France. Au-dessus est gravé un cœur et l'écusson de la famille du Guesclin, qui est d'argent à l'aigle éployé de sable couronné d'or. Mais l'objet le plus curieux de cette curieuse église est son bénitier. Selon l'usage, il se tient auprès de la porte. C'est une large coupe de 3 pieds de diamètre en granit et soutenue par 4 personnages décapités au niveau des lèvres de la vasque. On reconnaît leur sexe aux vêtements. Celui des hommes est une sorte de tunique courte, relevée à la hauteur des genoux et rattachée sur les hanches avec une corde. Les femmes, au contraire, portent une longue robe à plis abondants et onduleux, tombant jusqu'aux chevilles et serrée à la taille par une large ceinture historiée. Cette sculpture est si étrange d'engoncement et de naïveté qu'on ne reconnaît la position du corps qu'à la façon dont les pieds sont tournés. Ainsi, les hommes soutiennent le bénitier sur leur dos, les femmes sur la poitrine, les premiers appuient leurs mains sur le ventre de l'énorme vase, les secondes les ont placées sur le bord. À l'intérieur, il y avait un peu d'eau qui nageait dans un fond verdâtre et baignait à moitié 2 poissons taillés en pierre vive. Pour dire dans quelle intention ils ont été mis là, il faudrait savoir l'âge exact de ce patriarche des bénitiers. Peut-être ne sont-ils qu'un ornement local et très propre à figurer dans un bassin destiné à contenir l'eau des ablutions. Peut-être doivent-ils reporter l'esprit vers le baptême que notre Seigneur reçut dans le Jourdain. Enfin, et plus sûrement, sont-ils une représentation symbolique du Christ. En effet, dans les premiers siècles du christianisme, avant que le conseil Quini Sexte, tenu en 692 à Constantinople, eût enjoint de préférer la réalité à l'allégorie et ordonné de peindre le Christ en bois avec tous les instruments de la Passion, on ne le manifestait que figurément, sous la forme d'un agneau, d'un phénix, d'un pasteur et le plus souvent d'un poisson. Celle-là avait été choisie de préférence parce que le mot, qui contient les 5 lettres initiales des mots, Jésus Christ, le Fils de Dieu. Note de l'édition. Au reste, il est fort possible que les poissons du bénitier de Saint-Sauveur soient simplement un caprice irréfléchi de l'artiste qui les a placés là pour s'amuser un peu aux dépens des archéologues futurs. Saint-Sauveur est le monument le plus ancien de Dinan. Les murailles sont beaucoup plus modernes et assez bien conservées pour qu'on puisse juger de leur ensemble. Une guirlande de mâchicoulis mauresques supporte les parapets des remparts. Ils sont vêtus de lierre, de mousse et de ronces. Comme à Guérande, des arbres ont poussé sous les bastions. Les ravines ont décelé les pierres et là, comme toujours, la nature embellit la ruine. Nous visitâmes la tour de la prison, sorte de haut donjon doré de teintes chaudes, percé de meurtrières et terminé par une esplanade où quelques pots de fleurs se courbaient sous le vent. On entendait des voix joyeuses sortir de derrière les murailles, c'étaient les prisonniers qui chantaient. Au bas circule le chemin de ronde, sablé, propre et coquet, coupé par les ombres de ces jeunes arbres. Au-delà, c'est la campagne, moitié plaine, moitié bois. Il faisait très beau et on voyait les maisons blanches reluire au soleil. À l'autre extrémité de la ville, vers le nord, le rempart est grimpé sur une roche escarpée, inaccessible et formidable. De longs escaliers aboutissant aux poternes descendent en tournant cette masse immense et vont rejoindre une route où passaient des charrettes traînées par des chevaux harnachés de gros colliers à toison bleue. Un peu plus loin serpente la Rance, méchante rivière à demi canalisée et affligée d'un pont suspendu. Un bateau à vapeur y fumait une mauvaise odeur que le vent apportait jusqu'à nous. Au pied des murailles, des jardins potagers s'encadraient dans des bordures de buis taillés. À nos côtés, 2 gendarmes en bonnet de police se promenaient sous les tilleuls. Sur le quai, un conducteur des ponts et chaussées dirigeait les travaux d'encaissement. Nous avions lu quelque part qu'à Corsolles, on voyait des restes de théâtres, d'aqueducs et de temples romains. Alléchés par ces belles promesses, nous partîmes. Nous arrivâmes et nous ne vîmes rien qu'un bénitier à peu près semblable à celui de Saint-Sauveur. Il est plus petit, plus barbare, les personnages sont à peine indiqués au ciseau, et il trône dans une église de construction moderne, d'un goût fabuleux, et dont la commune est très fière. À quelque distance, au bout de 2 ou 3 chemins ombreux, au milieu d'un champ herbu et chamarré de fleurs jaunes, s'élève une ruine qu'on appelle fastueusement dans le pays Fanum Martis, le temple de Mars. C'est un pan de muraille octogone, construit en pierre losangée et troué de 4 lucarnes. Un inextricable fouillis de ronces mord ses pieds et le squelette desséché des lierres rampe le long de ses flancs. Il est possible qu'il soit romain, mais il est très probable qu'il ne l'est pas. En rentrant de notre course à ces monuments qui n'existent pas, nous ne fîmes que traverser Dinan pour gagner Léon, sorte de bourgade accrochée à la ville comme un faubourg par une route contrefaite et sinueuse. En la suivant, on parvient auprès d'une haute colline empanachée de hêtres vigoureux. Un sentier chemine péniblement parmi les pierres et sous la fraîcheur des arbres. Nous le gravîmes, et lorsque nous fûmes arrivés en haut, nous découvrîmes une forteresse en débris. Nous étions, sans nous en douter, à l'ancien château de Léon, le même qui fut détruit en 1169 à la suite d'un traité entre Louis le Jeune et Henri II d'Angleterre, qui fut reconstruit, de nouveau démantelé sous Louis XIII, et qui, à cette heure, n'est plus qu'une ruine voilée derrière des rideaux de verdure. On distingue encore l'emplacement de 12 tourelles qui reliaient le mur d'enceinte. La tradition lui accorde d'immenses souterrains qui rejoignaient les remparts de Dinan, mais nous ne fûmes pas tentés de les vérifier. À Léon, dont les maisons se groupent autour d'une rivière où chante la roue clapotante d'une tannerie, nous vîmes un ancien couvent de bénédictins. Le cloître est désert, dégradé, tombant par larges écailles de plâtre, et une paisible vache embroutait l'herbe grasse. La voûte ogivale du réfectoire est portée sur deux rangs de colonnettes de belle ordonnance. Une balustrade percée de trèfles et de fleurons monte jusqu'à une chaire merveilleuse. C'est de là que, pendant les repas, on lisait les livres saints, mais la maison seule est debout. Les habitants sont partis, et à la place des longues tables où ils aimaient s'asseoir en silence, on a jeté pêle-mêle des métiers à tisser. Oh, XIXe siècle, voilà de tes coups! À côté s'élève une chapelle vaste et sombre, sans dalles, sans pavés, nue et triste. Ses grands murs d'un vert presque noir rejoignent les nervures autour desquelles doivent voltiger des chauves-souris. Il y fait froid, on sent que la vie s'est retirée de là. Deux faisceaux de colonnettes brunes, comme un bronze antique, soutiennent une porte à moitié détruite. Quelques pierres renversées sont ce qui reste du maître-autel. Au-dessus s'ouvre une fenêtre géminée, fine et trilobée. À travers sa large baie sans vitrage, on voyait un pan de beau ciel bleu et quelques feuilles de platane découpées et dorées par le soleil. C'était la chapelle des beaux manoirs. Là, jadis, reposaient leurs tombes, mais le conseil municipal de Dinan, ayant voulu enrichir la ville d'un musée, les a fait enlever. Nous les avons vus à la mairie, propres, lavés, brossés, nettoyés, fourbis et bêtes à plaisir, dans une grande salle remplie d'objets américains et chinois. Nous pûmes y admirer aussi la giberne de la tour d'Auvergne, une mèche de cheveux de Napoléon, le portrait de Brousset, celui de Louis-Philippe et plusieurs œufs d'autruche. Oh, beau manoir, si tu es fidèle à ta devise, j'aime qui m'aime, tu dois détester de toute ta haine la stupidité de ces bourgeois féroces qui ont arraché ton sépulcre à la retraite que tu lui avais choisi pour le transvaser dans une antichambre de leur maison commune. Ah, tu fais bien d'être mort, car lorsque nous subissons les spectacles écœurants qu'on nous inflige tous les jours, lorsque nous entendons les discours de M. Ledru-Rollin et que nous voyons les tableaux de M. Steuben, nous regrettons de n'avoir pas bataillé à tes côtés pour succomber au combat des Trente. Maxime Ducamp. Fin du chapitre 10.